Je suis un nouveau petit virus d'ordinateur. Je me balade entre ordinateurs et je suis nouveau. Bienvenue au petit virus qui vient d'arriver, créé spécialement par AFG. Écoutez bien ma musique et rigolez bien tous ensemble, car je suis un virus créé par AFG. Je m'installe, je fuis de votre ordinateur.